Allô, allô, bienvenue au Lobster 5.0 en ce dimanche 5 août 2018 où l'été continue à nous surprendre avec le beau temps. Aujourd'hui, 38 degrés sur l'île Perrot avec un avertissement de chaleur pour la journée. C'est probablement le plus bel été qu'on a connu depuis longtemps. Peu importe à quel moment les gens auront pris leurs vacances à date, c'est juste du beau temps. Et on nous annonce une nouvelle canicule pour cette semaine. Cette semaine, je vous parle de quoi dans le Lobster 5.0? Je vous parle de ma semaine de vacances qui se termine. Je reviens du chalet à l'Anse-Saint-Jean au Saguenay. J'ai des histoires de casino, de bleuets, de mon Sasquatch. Et bien sûr, on parle de BD. Donc, un Lobster bien rempli, où on parle de tout, mais jamais de rien. Avez-vous jamais pensé pourquoi au bon marché peut vendre au plus bas prix au Québec? C'est très simple. Nous sommes les fabricants. Tous nos stores verticaux et vénitiens, stores de toile et stores plissés, sont fabriqués ici dans notre manufacture pendant que vous attendez. Il n'y a pas d'intermédiaire pour augmenter les prix. Nos ordinateurs assurent la précision et notre service à la clientèle est le meilleur au Québec. Nous avons le plus grand choix de draperies, édredons, literies et accessoires de table de bain. Toujours au plus bas prix. Venez au bon marché. Oui, papa. When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heaver, yeah, I know I'm gonna be the man who's heavering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I'm working, yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well, I know I'm gonna be the man who's going over you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be a man who walks 1,000 miles to fall down at your door. When I'm lonely, well, I know I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, well, I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, yes, I know I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm gonna be the man who's coming home. Cette semaine, je veux absolument vous parler de mon nouveau coup de cœur, Ralph Azam. C'est une série de bandes dessinées créée par Lewis Trondheim. Ralph, c'est le héros de l'histoire. Sa paresse, son indiscipline et le pouvoir qu'il a de connaître la progéniture d'une personne, en fait de savoir si c'est un garçon ou une fille, ou de tout simplement savoir si une femme est enceinte, puis de connaître le père, ne lui attire que des ennuis. Son pouvoir lui est venu du fait qu'il a été bleui par la double lutte, comme certains autres enfants. Puis comme tous les enfants bleuis, il a un jour été appelé pour rencontrer l'oracle dans la ville d'Astolia afin de savoir s'il est l'élu qui détruira Von Cyrus et ses ordres de guerriers. Mais pour une raison inconnue, il a été refusé par l'envoyé de l'oracle. Depuis, son attitude cynique et sarcastique lui vaut d'être abroué par le conseil et considéré comme le paria du village. Pourtant, un jour, une attaque de la horde de Von Cyrus va l'entraîner malgré lui dans une grande aventure qui changera le destin du continent de Tangor à tout jamais. Donc, ces albums, l'histoire de Ralph se situe clairement au Moyen Âge. L'architecture des villes avec des murailles, des châteaux forts, des rues étroites et sinueuses, ou la forme prise par le pouvoir politique qui ressemble à un système féodal sont des exemples évidents. Mais cette localisation dans le temps est accompagnée d'un caractère fantastique. On est donc dans un univers d'heroic fantasy qui ressemble beaucoup à celui d'une autre œuvre de Lewis Trondheim, la série Donjon. Bon, moi j'ai lu les deux ou trois premiers livres de Donjon de ce même dessinateur, puis c'est pas aussi bon. C'est divertissant, mais l'histoire dans les albums de Ralph Azam est vraiment meilleure, puis chaque album se suit, contrairement à Donjon qui, de mémoire, va plutôt suivre un héros dans chaque album. Dans Ralph Azam, le héros, lui, va se mettre à la recherche ou tomber sur divers objets qui vont l'aider dans sa quête. Ce sont les artefacts de Tangor. Il y a 4 armes, 4 bijoux, 4 reliques puis 4 objets magiques que vous pourrez découvrir comme moi si vous lisez l'aventure. Donc, dans Ralph Azam, dès le deuxième album, l'histoire est rendue trop intéressante pour en arrêter la lecture. Puis c'est juste à ce moment que mon plus vieux garçon m'a emprunté mes albums, car je lui avais dit que c'était vraiment bon, puis comme moi, il a accroché là-dedans aussi. Puis comme il part en voyage à Rimouski demain, alors il est parti avec toute la suite des albums que j'avais empruntés à la Bibli. Donc, c'est lui le chanceux qui va pouvoir les lire tout de suite. Donc, Ralph Azam, une série dont le 11e album vient de sortir en 2018, donc toujours en écriture, que je vous conseille sans aucune gêne, à l'achat ou à la lecture pour votre plus grand plaisir. Au retour, je vous parle d'une autre série d'albums, Aya de Yopougon. Watch his own. mistakes and dreams for water. All your prayers must seem as nothing. 96 below the wave, when stone is dust and there remains the only haven you can trust. And the devil in a black dress watches over. Une chanson souvenir des belles années 90, la chanson Temple of Love du groupe The Sister of Mercy. C'est leur single le plus populaire qui a atteint la troisième place des charts britanniques. Je voulais maintenant vous parler d'une série d'albums que je suis en train de lire qui s'appelle Aya de Yo Pougon. C'est une BD qui est écrite par Marguerite Abouet, une Ivoirienne qui est née à Abidjan en 1971. Dans ces BD, qui sont au nombre total de 6, et dont j'ai lu les 3 premiers, on est sur les traces d'Aya, une jeune fille de 19 ans, héroïne de la saga qui vit à Yo Pougon, un quartier chaud d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne. On y fait dans ces albums la découverte de la vie de jeunes gens en 1978. Donc, dans ces albums, l'auteur, qui est elle-même ivoirienne, semble nous raconter une histoire qu'il a vue grandir. Du côté de l'histoire, ça passe à Yo Pougon, un quartier populaire d'Abidjan que les habitants ont rebaptisé Yop Cité, dans lequel vit Aya et ses deux amis, Adjoua et Bintou. Elles ont 19 ans, l'âge où tout est possible. Même si Aya, elle, souhaite devenir médecin, ses deux autres amis, elles, sont plus versées dans les soirées au maquis et dans la chasse au mari. Autour de ce trio choc, on croise des personnages aux destins divers, comme Ignace, le père volage d'Aya, qui lui jongle entre plusieurs bureaux de travail et dont la finale du livre 2 nous apprend une grosse surprise sur lui. Il y a aussi Moussa, le fils d'un puissant entrepreneur de bière qui s'appelle Bonaventure Sissoko. Ce jeune-là, compte sur sa Toyota pour emballer les filles. Il y a aussi Fanta et Koro, les mamans qui s'efforcent de protéger leurs filles des différents prétendants, ou Grégoire, le Parisien, qui lui débarque de temps en temps en ville pour allumer les filles puis flamber son magot au fameux hôtel Ivoire. Donc, c'est une histoire divertissante. Moi, je me suis senti transporté dans ce village et dans cette culture ivoirienne. Une partie du vocabulaire typiquement ivoirien, je crois, aide beaucoup à nous transporter là-bas. Pour ceux qui se laisseront tenter par cette série, je vous conseille de lire le lexique de quelques mots, une dizaine de mots, à la fin du premier livre. Moi, je l'ai découvert après avoir lu le premier livre, mais c'est une bonne idée de le lire avant. Donc, il aurait dû nous le mettre au début. Des mots, par exemple, qu'on retrouve dans ce lexique, il y a le maquis, qui signifie un restaurant pas cher où l'on peut danser. Il y a une gazelle, qui est une jolie fille. Un génito, qui est un jeune homme qui a de l'argent à gaspiller et qui n'hésite pas à payer de la boisson aux filles au maquis. Et finalement, trois mots qui ont la même signification, bojo, péton et tasaba, qui désignent une partie du corps très importante, les fesses. Voilà, Aya de Yopougon, une lecture divertissante qui nous plonge dans le quotidien ivoirien. C'est une série que moi j'ai empruntée à la bibliothèque, car même si c'est bien divertissant, je crois pas que je le relirai deux ou trois fois. Donc c'est là où l'emprunt à la bibliothèque fait tout son sens. Depuis quelques semaines, j'avais dans l'idée de m'acheter un synthétiseur analogique. J'avais magasiné le tout. Le modèle que je voulais, neuf, chez Steve Music à Montréal, c'était 1000$. Même modèle dans l'usager, 560. J'en avais trouvé un au Saguenay. J'avais écrit à la personne qui le vendait, puis elle m'a répondu qu'elle ne voulait pas le vendre. Bizarre. Alors pourquoi tu l'annonces au Kijiji? Mais bon, tout ça pour dire que j'arrive à la boutique de Don Renaissance, qui en plus de vendre des BD à 3,75, vendent un peu n'importe quoi. Puis qu'est-ce que je vois à côté sur le mur? Un synthétiseur MIDI à 20$. Donc, il est sur la table à côté de moi. C'est évidemment pas le modèle que je voulais. Il n'y a pas toutes les options que je cherchais. Mais pour 20$, j'ai pas l'intention de chialer, mais plutôt l'intention d'en profiter. J'ai donc installé le logiciel FL Studio sur mon ordi, plugué le tout, ce qui m'a pris quelques heures à bien comprendre. Et voilà, je peux maintenant m'amuser. Voici pour le fun ce que je m'amuse à faire. Est-ce que vous avez aimé ça? Bon, évidemment, c'est pas de moi. Ça, c'est une blague. Ça, c'est une chanson de Kibou que je vous parlais la semaine passée. Un auteur que j'aime bien, là, qui fait de la musique avec des synthétiseurs analogiques. Donc, je vous fais écouter pour vrai le petit bout de chanson que moi, j'ai composé. Parce que moi, j'ai aucune formation en musique. Donc, je suis en train de suivre des tutoriels sur YouTube pour apprendre à jouer. Mais quand on branche un synthétiseur dans l'ordi avec un système là, pour sélectionner des instruments, ben moi, j'ai l'impression que c'est à la portée de n'importe qui de jouer de la musique. Chaque touche qu'on appuie, ça nous sort quasiment un beat ou une chanson intéressante. Donc, je vous montre qu'est-ce que ça donne. Thank you. Donc voilà, c'était mon petit bout de musique que j'ai commencé à composer. En ce moment, je suis surtout dans la sélection d'instruments parce qu'en connectant sur l'ordi et en téléchargeant là, un logiciel là, qui permet de jouer des milliers de types de sons, je suis surtout en train de sélectionner les types de sons que je veux mettre ensemble. Puis je suis en train d'apprendre des accords dans les tutoriels sur YouTube. Puis avec ça, je vais essayer de composer une chanson. Donc, dans la même veine, on part avec un chiptune, puis au retour, je vous parle de tout, mais jamais de rien. Chip, chip, chip, chiptune! Du côté de ma semaine de vacances au chalet, c'était vraiment le fun. Il a évidemment fait beau. On en a profité pour avancer la pose du revêtement extérieur de notre chalet. C'est pas mal dans les dernières étapes avant l'installation de notre foyer pour dire que le chalet est complètement terminé. Donc, on a travaillé là-dessus. Puis pour me rafraîchir cette semaine, j'allais me baigner dans la chute de notre rivière. Pis j'avais amené ma petite caméra SJ6 Legion. C'est comme une GoPro, mais un peu moins cher. Puis ma caméra, c'est ça, elle a un boîtier étanche qui permet de filmer sous l'eau. Donc, quand je suis allé me baigner sous la chute, c'est un genre de gros bassin où tombe l'eau, je l'avais amené. Puis dans le bassin, il y avait une surprise, un banc de truites mouchetées. Comme l'été est sec, la rivière est très basse, puis les poissons essaient de rester dans les endroits les plus profonds. Donc, il y avait une cinquantaine de truites dans le bassin. Moi, j'ai fait des images qui sont magnifiques. Soit je suivais les truites avec ma caméra puis un bras télescopique, ou dans un autre cas, j'avais positionné la caméra dans le fond du bassin et je dirigeais le banc de truites devant la caméra. Une journée, une grosse truite d'environ une livre s'était jointe au banc de truites. Donc, vraiment des belles images. Je vais essayer de vous les mettre dans la page Facebook du Lobster, donc vous pourrez voir qu'est-ce que ça donne. Une autre journée, nos voisins de chalet m'ont demandé de venir filmer un oiseau albinos qui se trouvait dans leur mangeoire à oiseaux. C'était un oiseau qui était tout blanc. Puis là, avec les images que j'ai faites, on va essayer d'identifier l'espèce d'oiseau. Pour l'instant, on n'a pas trouvé, mais je vais essayer d'isoler des images de l'oiseau, puis on va envoyer ça dans peut-être aux, des gens qui sont dans un club ornithologique. Une autre journée, le jeudi, je suis allé au casino de Charlevoix avec mes parents. C'est pas trop loin du chalet, à environ une heure et des poussières. Moi, j'ai été chanceux. Je me suis amusé assez longtemps, puis je suis ressorti avec 60$ en plus. Donc, cela a payé notre repas chez Mike's. Puis au retour, on est arrêté se ramasser des bleuets, à Sagard, proche du domaine des Desmarais. Sous les lignes de transmission de l'Hydro-Québec. C'était rempli de bleuets. On en a ramassé 6 livres. C'était tellement le fun que je suis retourné le lendemain avec mon père et on a ramassé environ un autre 10 livres. Donc là, mes parents ont des bleuets pour l'hiver. Connaissez-vous le Sasquatch? Cette créature gigantesque qui ressemble à un singe puis vivrait dans les forêts de l'Amérique du Nord. Je vous en parle au retour. Il aurait été aperçu entre Saint-Félix-de-Tis et Rivière-Éternité il y a quelques années. Je vous raconte l'histoire qu'on m'a racontée durant mes vacances. Ouais? Es-tu fou, hostie? Pourquoi? Une mise à prix? On risque tous de se retrouver en prison avec ça! Ah, voyons donc, Joe. Tu peux pas mettre à prix la tête d'un homme, Reggie! Je viens de le faire. J'aime plus cette hostie de chance en merde, Chris! Chris de niaiseux. Ah, McCracken, hein? Dunlop. T'es un suceur de graines, Dunlop. Quand j'ai le temps. Il y a donc 100$ de prime sur la tête du fameux centre des Bulldogs, Tim McCracken. McCracken, aussi surnommé le chirurgien, parce qu'entre ses mains, un bâton de hockey devient un bistouri. Il peut vous décoller une oreille en un petit coup de poing. Il règne ici ce soir une atmosphère de carnaval. Tous les gradins sont occupés. La foule est tendue et frémissante. Vous êtes les frères Hanson? Maudite machine, elle m'a volé mon argent. Vous êtes qui, vous? Reggie Dunlop, votre coach. Ramassez votre stock, on s'en va à l'hôtel. OK, viens-t'en, Steve, laisse faire ça. Je veux mon argent! Hey, penses-tu qu'il y a des circuits d'automobile? C'est dessous. Regardez, les gars! Hey, attendez-moi! Je l'ai eu, mon 30 sous! Hey! We'll be right back.

Le Sasquatch, l'homme velu, l'homme sauvage, cette créature géante qui ressemblerait à un singe et se cacherait dans nos forêts de l'Amérique du Nord. Couvert de longs poils noirs, mesurant jusqu'à 9 pieds de haut. Mon voisin de chalet m'a raconté une histoire qu'il me dit tenir de source sûre et qui viendrait prouver que le Sasquatch se cache dans nos forêts. Cette histoire se passait vers la fin des années 50. Un fringant jeune homme de Saint-Félix-de-Tys, appelons-le Le Beau pour préserver son anonymat, se préparait à retourner à l'Anse-Saint-Jean où il devait reconduire sa belle qu'il était allé chercher au matin pour l'accompagner à la messe. À bord de son Plymouth Fury rouge et blanc, dont il était bien fier, il invita sa belle à prendre place sur le siège banquet. Le beau, à qui la belle avait l'habitude de conférer un court baiser à l'arrivée, souriait comme un enfant à qui on a promis un cornet de crème glacée à la foire. Les cheveux dans le vent, belle comme une marguerite épanouie, la belle ne fut pas longue à se rapprocher de son beau. Car avec un gros V8 de 290 chevaux, la Plymouth ne mettrait pas longtemps à défiler les 50 km du trajet. Se glissant vers la gauche sur la banquette, épaule contre épaule, les deux tourtereaux filaient le parfait bonheur lorsque, passé le détour menant au lac Désiré, du mouvement sur le bord du lac attira leur attention. Les pieds dans l'eau, couverts de poils, une créature de 9 pieds de haut porta oreille dans leur direction. Le visage recouvert d'un poil cuivré, la créature, mi-homme, mi-singe, les regarda un instant avant de lever un bras et de les pointer. Probablement effrayée par le bruit des freins que le beau avait enclenché pour rester à distance, la créature leur jeta un coup d'œil effrayé avant de traverser la route et de s'enfuir dans la forêt. On me dit que cette histoire est véridique, qu'il y aurait eu plusieurs autres cas par la suite de gens qui auraient certifié avoir eux aussi aperçu la dite créature. Malheureusement, mes recherches sur Internet ne permettent pas de trouver de journaux confirmant cette histoire. Donc pour l'instant, cette histoire restera pour moi une histoire de coin de feu que je mets dans le classeur des légendes. J'ai d'ailleurs pour vous, dans ce classeur, une autre légende qu'un conteur célèbre nous raconte. Je vous laisse l'écouter. Légendes amérindiennes. C'était le temps avant que l'homme voyait les choses différemment, quand le soleil, telle une boule d'argent dans le ciel aux étoiles, luminescente. Saumon Boiteux se souvient de ce temps, et ce soir, auprès d'un feu de circulation, il nous raconte une de ces vieilles légendes dont on a oublié le sens. Dans un village huron-quois, autrefois, autour de Kanawagé, à côté de Sonagé, une jeune fille prénommée Awayanish chantait. Sa joie était grande. Celui dont elle était la squaw était parti à la chasse. Fouachich était en transe, dans la trace d'un ours. Il serrait son totem fétiche en son poing, et de l'autre, il scrutait l'horizon. Soudain, l'ours se dressit devant lui. Pouachiche sentit l'outarde lui monter au nez. Mais il se rappelit la parole de Magané, le vieux sorcier. Titam, calme-toi. Alors Pouachiche danse la danse des canards sauvages. Et le grand carnassier est possédé, hypnotisé par l'esprit de la tribu. Et Pouachiche lui calisse son tomahawk en pleine face. Puis il lance vers les collines le cri du chasseur triomphant. Il est mort! Ce soir, sous le wigwam, sa squaw Awayanish mâcherait les intestins de l'ours pour faire des raquettes, pendant que lui mâcherait le pancréas pour le fun. Oui, Saumon Boiteux se souvient de tout cela et se demande bien ce que l'homme blanc peut y trouver d'intéressant. Y'all. Voilà, c'est déjà tout pour ce Lobster 5.0. Cette semaine, c'est un retour à la petite routine de travail pour moi. Je vais me rendre au bureau en ville demain pour manger surtout une bonne soupe tonkinoise dans le quartier chinois, puis pour vérifier que ma carte d'accès au bureau est toujours valide. Donc, c'est tout pour cette semaine. Merci à tous ceux qui m'écoutent. N'hésitez pas à me laisser un petit message sur la page web Facebook du Lobster. Et on se laisse en musique sur un vinyle de ma collection, Star on 45. Bye bye. Let's go. left us was alone. Because a vision softly creeping. distracted while sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. To play.